بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الأخير في تفسير كتاب الله تعالى في هذا العام 1441. Et donc, bienvenue les frères, donc pour ce dernier cours qu'on fait dans l'exégèse du Coran, le dernier cours de cette année, l'année 1441 de l'Hégire, Inch'Allah Ta'ala. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre de continuer, donc, après la pause, lors donc de la prochaine année qui va débuter très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, de continuer ses cours dans l'exégèse du Coran et de méditer sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et certes, on était arrivé à la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit innal ladhina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Certes, ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions, ils auront des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Ceci est la grande réussite. فذكر الله تعالى الجنة وأهلها بعدما ذكر النار وأهلها. Allah le Très-Haut, il a cité le paradis ainsi que les gens du paradis, après avoir cité l'enfer et les gens de l'enfer. Car le verset qui précède celui-ci, الآيات التي قبلها هي التي درسناها سابقا, c'est le verset qu'on a vu précédemment, qu'on a étudié lors des cours précédents. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Certes, ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes sans se repentir, alors ceux-ci auront le châtiment de l'enfer, le châtiment du feu. وقد تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع هذه التربية القرآنية. Nous avons certes lors d'un cours précédent abordé ce sujet, cette éducation coranique. يذكر الله تعالى ما يخوف العباد من عذابه وغضبه. Allah le Très-Haut, il cite ce qui va faire peur aux serviteurs, ce qui va leur faire peur de sa colère et de son châtiment. ثُمَّ يَذْكُرُ مَا يَجْعَلُهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. Et ensuite, Allah cite ce qui va les faire espérer sa miséricorde. فَيَجْتَمِعُ فِيهِمُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ. Et donc, la crainte et l'espoir vont se réunir tous les deux chez le serviteur. Le serviteur va avoir espoir de bénéficier de la miséricorde de son Seigneur, et il va aussi craindre le châtiment de son Seigneur. Et c'est comme cela que le serviteur, il doit tout le temps être. Réunir entre la crainte et l'espoir. Tout le temps. Tu as peur du châtiment, et tout le temps tu espères bénéficier de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَيَذْكُرُ اللَّهُ صِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ لِيَحْذَرَهُ أَوْ لِيَحْذَرَهَا عِبَادُهُ وَيَذْكُرُ صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَتَّصِفُ بِهَا. Et Allah le Très-Haut, il va citer les caractéristiques des gens du paradis, afin que ses serviteurs puissent suivre ces caractéristiques et les appliquer. Il va aussi citer les caractéristiques des gens de l'enfer, afin que les serviteurs puissent s'en éloigner, se méfier de ces caractéristiques. Wa min sifatil mu'minin annahum amanu ay amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. Et parmi les attributs, les caractéristiques des croyants, le fait qu'ils croient en Allah, en ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier, le destin, qu'il soit bon ou mauvais. فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا. Celui qui rejette une seule de ces choses, cité, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. وَمِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Attention. Parmi les attributs des croyants, le fait qu'ils accomplissent des œuvres, des actes de piété. Ils accomplissent des actes de piété. وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي كِتَابِهِ مُبَيِّنًا أَنَّ الْإِيمَانَ يَحُثُّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Et souvent, Allah Ta'ala, dans son livre, il va lier la foi aux bonnes œuvres. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. Souvent, Allah va lier la foi à l'accomplissement des bonnes actions. En montrant que cette foi, elle pousse l'individu à accomplir de bonnes actions. وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أن يكون جالسا على فراشه لا يعمل شيئا ثم يقول أنا مؤمن في قلبي. Il ne convient pas au croyant d'être assis sur son canapé. Il n'accomplit aucun acte de piété, aucune bonne action. Et il dit, je suis croyant dans mon cœur. Je suis croyant dans mon cœur. لو كان إيمانك في قلبك لحثك على القيام بالأعمال الصالحة. Si effectivement ta foi elle était dans ton cœur, cette foi elle t'aurait appelé à accomplir de bonnes actions, car la foi appelle l'individu à accomplir de bonnes actions. وهنا ينبغي أن يعلم ما هو المراد بالأعمال الصالحة. Et ici, il est important de savoir qu'est-ce qui est voulu par les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui est voulu par cela, le fait d'accomplir des bonnes œuvres. Qu'est-ce que les bonnes œuvres? قالت العلماء العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Les savants, ils ont dit que les bonnes actions, c'est toute action, toute œuvre qui est exclusive à Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala qui dit dans son livre الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, lequel d'entre vous accomplira les meilleures actions. Lequel d'entre vous accomplira les meilleures actions? قال الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه. الفضيل بن عياض, il a dit concernant ce verset que je vous ai cité, il a dit les bonnes actions, la bonne action, c'est celle qui est la plus exclusive et celle qui est la plus conforme. Alors ils ont dit, oh Abba Ali, c'est-à-dire Al-Fudayl ibn Iyad, oh Abba Ali, que veux-tu dire par la plus exclusive et la plus conforme? Il a répondu en disant, Rahimahullah, Innal amal. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. الفضيل بن عياض رحمه الله, il a répondu à cette question en disant, certes l'œuvre, si elle est exclusive, mais qu'elle n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme, mais qu'elle n'est pas exclusive, elle n'est pas acceptée. Jusqu'à ce qu'elle soit exclusive et conforme. Et l'œuvre exclusive, c'est celle qui est exclusive à Allah seul. Et l'œuvre qui est conforme est celle qui respecte la sunnah. la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation de cette belle parole d'El Foudail ibn Iyad. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ. Et donc ces gens qui ont eu la foi et accompli de bonnes œuvres, ils ont des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ceci est la grande récompense. فَهُوَ النَّجَاةُ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ وَالْحُصُولُ عَلَى كُلِّ مَطْلُوبٍ. La grande récompense, c'est le fait d'être préservé, d'être sauvé contre toute chose qui fait peur, toute crainte. Être sauvé contre toute crainte et le fait d'atteindre tout ce qu'on recherche. فَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ. Les gens du paradis, ils ont tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent. وَلَا يَمَسُّهُمْ مَرَضٌ وَلَا مَوْتٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ. Et ils ne sont pas touchés par la maladie, ni la mort, ou autre que cela parmi tout ce que nous pouvons détester. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit, « Inna batasha rabbika la shadid. » Certes, la vengeance de ton Seigneur est terrible. « Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. » Certes, il commence et refait. « Wa huwa al-ghafuru al-wadud. » Et il est « al-ghafur al-wadud. » Qu'on verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala. « Dhul arshil majid. » Le possesseur de l'arche, le glorieux. Fa'alun lima yurid, celui qui fait ce qu'il veut. Inna batasha rabbika la shadid. Certes, la vengeance de ton Seigneur est terrible. Fa'iqabullahi ta'ala shadidun ala man yastahiquhu. Wa hadha tahdidun min Allah li ahli al-kufri wal 'isyan. Et donc, certes, la vengeance d'Allah, le châtiment d'Allah est douloureux et terrible. Et ceci est une menace qu'Allah Ta'ala fait à tous ceux qui ont, à tous les adeptes de la mécréance et des péchés. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, c'est lui qui commence et qui refait. Hadha 'am, ceci est général. Fal umur kulluha min Allah. Et donc toute chose vient d'Allah. Toute chose vient d'Allah, wa kullu al-ibadi yarji'una ilayhi. Et tous les serviteurs retourneront vers Allah tabaraka wa ta'ala. Fayadhkuru al-'abdu dha'fahu wa annahu khuliqa min 'adam. Lam yakun shay'a. Et donc le serviteur, il se rappelle de sa faiblesse et du fait qu'il a été créé de rien. Il n'était rien. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. Et il va revenir vers son Seigneur après sa mort pour être jugé. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Et il est الْغَفُورُ الْوَدُودُ. الْغَفُورُ الَّذِي يَسْتُرُ الذُّنُوبُ وَلَا يُؤَخِذُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا. Celui qui est الْغَفُورُ, c'est celui qui va cacher les péchés des serviteurs et qui ne va pas les châtier pour ses péchés. Combien de péchés Allah tabaraka wa ta'ala cache? Les serviteurs qui accomplissent des péchés jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et Allah y cache leurs péchés. Tabaraka wa ta'ala. Tout cela par sa miséricorde. Tout cela par sa miséricorde. Et quand allons-nous le remercier? El-Wadud, fallahu ta'ala yuhibbu wa yuhab. El-Wadud, Allah il aime et il est aimé. يحب الأعمال الصالحة. Il aime les actes de piété. ويحب القائمين عليها. Et il aime ceux qui vont accomplir les actes de piété. وكذلك يحب المغفرة. Et aussi Allah, il aime le pardon. وذكر العلماء من فوائد هذه الآية أن الله قرن بين الاسمين الغفور والودود مما يبين أن محبته متعلقة بأسباب فالله يحب من تاب وأسلم حين توبته. Et donc les savants, ils ont cité parmi les leçons de ce verset le fait que Allah, il est lié entre les deux noms, El-Ghafour et El-Wadud. Cela qui montre que l'amour d'Allah est liée à des causes. Allah, il aime le serviteur qui se repent et qui se soumet à lui, tabaraka wa ta'ala, lorsque celui-ci va se repentir. وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا حَالَ كُفْرِهِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُسْلِمُ بَعْدَ ذَلِكَ. Et il n'est pas correct de dire que Allah il aime un tel pendant qu'un tel il est mécréant. Parce que Allah sait que lui il va se convertir par la suite. Comme certains ont dit. Certains ont dit la personne qui se convertit, Allah il l'aimait même avant qu'elle se convertisse. Pendant qu'elle faisait du shirk, du polythéisme. Pourquoi ils disent? Parce que Allah savait que cette personne allait se convertir. Ceci est une erreur. Mahabbatullah muta'alliya katun bi asbab. L'amour d'Allah est lié avec des causes. Wa ghadabuhu wa burduhu muta'alliqun bi asbab. Sa colère est liée à des causes. Fallahu yubghidu al-'abda hala kufrihi wa yuhibbuhu hala islamihi wa ittiba'ihi li sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah il va détester le serviteur quand il est mécréant. Et il va l'aimer lorsque celui-ci va adopter l'islam et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Zul Arshil Majid, le possesseur du trône, le glorieux. Hadhihi al-aya fiha qira'atan. Il y a dans ce verset deux récitations. Et donc il y a deux récitations dans pour ce verset, Al-Majidu ou Al-Majidi. Zul Arshil Majidu. Et donc, le possesseur de l'arche, Al-Majidu, et donc le glorieux. Donc la gloire ici, c'est une caractéristique d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zul Arshil Majidi, pas le possesseur de l'arche, excusez-moi, le possesseur du trône. Zul Arshil Majidi, le possesseur du trône, glorieux. Le possesseur du trône qui est glorieux. Fallahu Majid wa al-Arsh Majid. Et donc Allah, il est glorieux et le trône, lui aussi, est glorieux. Les deux récitations sont correctes. Les deux donc sont glorieux. Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que son trône. La gloire, ce qui est lié à la puissance, la force. Et on reviendra sur cela dans quelques instants, inshallah ta'ala. Fa'alun lima yurid. Celui qui fait ce qu'il veut. Allah est celui qui fait ce qu'il veut. Wa min awsafihi ta'ala annahu yaf'alu ma yurid. La yamna'uhu ahadun min shay'in yuriduhu. Allah, parmi ses caractéristiques, le fait qu'il fait ce qu'il veut. Personne ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Personne. Fa kullu ma yaqa'u fi hadha al-kawn min iradati Allah ta'ala. Et donc tout ce qui se passe, tout ce qui se produit ici dans ce monde, tout ce qui se produit vient de la volonté d'Allah Ta'ala. Tout. Walakin, kawnuhu min iradati Allah Ta'ala la yadullu ala anna Allah yuhibbuhu. Cependant, le fait que cela dépend de la volonté d'Allah, cela ne veut pas dire que Allah il l'aime. Allah peut vouloir quelque chose, mais il ne l'aime pas. Il le veut pour une sagesse. Allah n'aime pas que son serviteur croyant souffre lors de la mort, ne soit touché par la mort. Allah n'aime pas cela, mais c'est pour une sagesse. Lorsque ce serviteur va mourir, va patienter sur cette douleur, invoquer son Seigneur, Allah il va le récompenser. Et donc tout ce qui se passe ici dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que Allah il aime tout ce qui se passe. On fait la distinction entre les deux. أما الإنسان فقد يريد شيئا يستعد له يدبر أموره. L'être humain, il se peut qu'il veuille quelque chose. Il se prépare, il organise, il s'organise. ثم لا يحصل له شيء مما أراده. Et ensuite, tout, il ne lui arrivera rien du tout de ce qu'il avait prévu, de ce qu'il voulait. Et on l'a vu avec l'épidémie qui nous a touchés. Certains voulaient partir à droite, à gauche. Certains avaient déjà prévu Al-Hajj, comment on va faire, etc. Au final, walou. Pourquoi? Parce que le serviteur, sa volonté est limitée, faible. Il ne fait pas ce qu'il veut. Et donc on affirme l'attribut de volonté pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais la volonté d'Allah n'est pas comme celle de la créature qui est faible. Ensuite Allah ta'ala, il dit hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud bal alladhina kafaru fi takdhib wallahu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Ensuite Allah il finit cette sourate Al-Buruj en disant: t'a-t-il parvenu le récit des armées Pharaon et Thamoud, mais ceux qui ont mécru ne font que démentir. Et certes, Allah est derrière eux, les cerne de toutes parts. Mais c'est le Coran glorieux dans les tablettes protégées. Et donc la question, hal ataka hadithul junud, t'est-il parvenu le récit des armées? Tariqatu su'al biha yurakkizu al-mukhatabu ala ma yali. La méthode, le fait de poser la question, par cette méthode-là, l'interlocuteur va se concentrer concernant ce qui suit. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas expliqué. Hal ataka hadithul junud. Il n'a pas expliqué quelle armée. T'est-il parvenu le récit des armées? Dans ce verset, il n'explique pas, mais il l'explique dans le verset d'après. Fir'auna wa Thamud. Pharaon et Thamoud. Fait Pharaon Malikou Misr, Kenekowiyan, Valiman, Wakisotuhu, Ma'a Moussa, Wabini Israël, Ma'roufa. Et donc Pharaon, il avait de la force, il était puissant, il était injuste. Et son histoire avec Moussa et les enfants d'Israël est connue. Wakadalika Thamoud, Kenu Akouya, Ja'ahum Salih. Et donc Thamoud, eux aussi, ils étaient forts. Saleh, il est venu à eux. Il les a appelés à l'islam. Ils ont mécru en lui. Et ont tué la chamelle d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَهْلَكَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْجُنُودِ مَعَ كُوَّتِهِمْ كَمَا أَهْلَكَ سَائِرَ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الْهَلَاكِ. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait périr ses armées. De la même façon qu'il a fait périr les peuples précédents, les autres peuples qui méritaient de périr. Alors Allah azza wa jal dans sourate Al-Buruj, il dit après cela, balil ladhina kafaru fi takdhib. Mais ceux qui ont mécru ne font que démentir. Aïe, alladhina kafaru bi Muhammad. Ceux qui ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font que démentir. Aïe, la yakhafu haoula an yuhlaku kama uhlika alladhina min qablihim. Ces gens-là, ils n'ont pas peur de périr comme on a fait périr ceux d'avant eux, ceux qui mécroient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القمر عددا من الأقوام الذين أهلكهم. الله تبارك وتعالى dans سورة القمر il cite plusieurs communautés qu'il a fait périr. Et ensuite il dit أكفاركم خير من أولئكم. Est-ce que vos mécréants sont mieux que ceux-ci? Est-ce que vos mécréants sont mieux que ceux-ci qu'on a fait périr? Ceci est une menace pour ces incroyants, afin qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent ce polythéisme qu'ils font. Allah tabaraka wa ta'ala, ensuite il dit, Wallahu min wara'ihim muhit. Et Allah est derrière eux et les cerne de toutes parts. Fala yafutuhu shay'un min a'malihim. Et donc, alors, aucune de leurs œuvres ne l'échappe. Aucune des œuvres des incroyants ne l'échappe. Il sait tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi tout le temps je le dis et je le répète. Ne vous concentrez pas sur ce qu'ils font. Laissez-les, ils vont ruser, tout faire pour essayer d'éteindre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne va pas perdre ton temps. Tu lis des heures et des heures dans les journaux, les sites internet pour savoir toutes les ruses des koufars pour anéantir l'islam. Ne te concentre pas sur eux. Allah sait, Allah les cerne très bien. Il sait parfaitement ce qu'ils font. Concentre-toi sur toi. Ta relation entre toi et ton Seigneur. Concentre-toi là-dessus. Et ensuite, pour finir, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Bel huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz » Mais c'est le Qur'an glorieux dans les tablettes, dans une tablette protégée. Fait le Qur'an majid. Et donc le Qur'an, il est glorieux. On a dit la gloire, ce qui est lié à la puissance, la force. « Wa hadha kadhalika wasfun aw wasfu man tahammala hadha al-Qur'an wa qara'ahu wa 'amila bihi » Et cette caractéristique, ils disent les savants, Al-Majd, la puissance, la gloire, c'est aussi la caractéristique de ceux qui vont lire le Coran, le mémoriser, œuvrer avec lui. Ce n'est pas que la caractéristique du Coran, mais c'est la caractéristique aussi des adeptes du Coran. Ceux qui vont le lire, œuvrer avec, le mémoriser. Wa huwa maktubun fil lawhil mahfouz. Et le Coran, il est aussi écrit dans les tablettes protégées. Il y a aussi une autre récitation, fi lawhin mahfouzun. Fi lawhin mahfouzun. Ici, mahfouz, c'est la caractéristique du Al-Kitab. Hein? Al-Kitab. Le Coran fi majid. Fi lawhin mahfouzun. Mahfouzun, c'est une caractéristique du Coran. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que le Coran, il est protégé. Que personne ne peut le changer, le modifier, quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi une preuve que la sunna, elle est protégée. Pourquoi ? لِأَنَّ السُنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِلْقُرْآنِ Car la sunna explique le Coran. وَلَا يَكُونُ الْمُبَيَّنُ مَحْفُوظًا إِلَّا بِحِفْظِ الْمُبَيِّنِ Et ce qui est expliqué ne peut être protégé que par la protection de ceux qui expliquent. Et donc, si le Coran est protégé alors que c'est la sunna qui explique le Coran, il est impératif que la sunna aussi soit protégée. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala protège le Coran et la sunna de toute modification. Contrairement au livre précédent. Et donc, voilà concernant cette sourate très importante, Al-Buruj. Excusez-moi, je vous dis, j'ai fait un peu plus long. Mais il fallait absolument donc qu'on finisse cette sourate avant la pause. Et inshallah ta'ala, on reprend donc après la pause en septembre, bi'idhnillahi ta'ala, avec les cours d'exégèse. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la compréhension de son livre, ainsi que la mémorisation et le fait d'œuvrer avec celui-ci, il est certes capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayra.